le chevron de rouleur dans la prairie. Elle bise des fleurs blondes de menu pissenlit. Elle aime Denis-y. Denis l'aime me. Sa peau à genoux, partout il culmine. Denis ne la voit pas, son corps tourniqué lui est bien étranger. Il meugle pour Nabila. Elle écrase les fées et bise les pissenlits.